Une seule émission rap de référence. Are you ready for this? Pour une heure de direct et nouveaux sons en exclu dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap Team BS. C'est Skyrock et c'est Planète Rap, deuxième soirée de la Team BS avec un soir pour chacun jusqu'à vendredi avant de retrouver la fouine entre 20 et 21. Ce soir, Sultan, comment va? Tranquillement, et toi? C'est plus la Team BS, c'est la Team Sultan là. Là, il y a une grosse équipe qui vient d'arriver là. Ouais, on a fait un petit changement d'ambiance. Mm-hmm. En fait, cette semaine, ça va permettre de faire découvrir l'univers de chacun. De chacun, ouais. Donc voilà, là, je suis venu, j'ai invité des gens qui m'entourent, que ce soit Chroma, Pop, et on a invité aussi Xo de Sevran. Donc voilà, parce qu'on a fait un morceau ensemble, parce qu'il est sur le projet aussi à mon gars DJ Scorp, on écoutera d'ailleurs le morceau qu'on a balancé hier soir aussi. Exactement, touche à rien. Touche à rien. Et voilà, tous les frérots qui vont perdre la baie Bagneux, on est là quoi, voilà. Donc le 9 de Bagneux, avec Sultan. Cette semaine entre 20 et 21 pour la Team BS. On va d'ailleurs se rappeler un petit peu ton parcours sur le temps. Ouais. On va écouter un petit medley de tes morceaux en solo avec la Team BS. Ça donne ça. Salut, c'est Sultan dans Planète Rap. Il y aura une émission d'ailleurs consacrée à chacun durant la semaine. Sultan, il y aura ta spéciale. Planète Rap, l'émission de référence, la bande FM. En direct, parce que je suis un mec à meuf. J'ai touché le fond du gouffre et de la bouteille. J'ai ni touché la chance, ni touché de l'oseille. La réussite m'a dit casse-toi. Avec tout ça, j'ai perdu la foi. Gardez la foi. Peu importe les croyances, on oublie. Avance. Hey, je laisse la même chose dans les pierres. Quand tu disais que tu m'aimais. Les projets de quoi les nourrir? Inverse de l'armée de sang, va falloir tous recouvrir. Comme un docteur, pourtant je suis pas adré. Je suis validé par la foulée comme pire du padré. J'ai le son qui tue comme le patré du rap game. Ici c'est le sultan, c'est le sang. Voilà, medley de Sultan à l'instant sur Skyrock pour se rappeler ce parcours, parce que c'est quand même un beau parcours déjà, mine de rien. Ouais, exactement. Le rap, tu l'as souvent expliqué ici, c'est ton frangin qui t'a mis dedans. Ouais. Qui t'a fait baigner dans le rap français. Bah, ça a commencé en 97, hein. Donc voilà, on a commencé tout jeune. Et je voulais remercier aussi pas mal de gens qui, tout au long de mon parcours, m'ont mis des coups de boost. Ils m'ont porté, quand je dis ça, je pense à des gens comme Alpha 520, des gens comme Iqbal, des gens comme Rof, comme Lafouine, comme mon grand frère H, comme voilà, tous ces gens-là qui à un moment m'ont invité sur leur projet alors que j'étais pas vraiment, on va dire, connu, donc voilà. Bon, quel bilan tu tires un petit peu de tout ça, toi, Sultan? Ah, franchement, moi, t'as vu, quand je regarde derrière, je me dis que c'est un peu de la chance, tu vois. Et un peu, il y a beaucoup de savoir-faire, mais je me suis pas dit à un moment, faut que je perce. J'ai toujours fait ça parce que j'aimais la musique. Et à chaque fois, je me suis retrouvé, on va dire, sur les bons plans. Et aujourd'hui, ça a mené où j'en suis. Bon, il y a eu du boulot aussi, parce que c'est vrai que parfois, on a l'impression qu'évidemment, il y a la passion qui mené à tout, mais il y a quand même du boulot derrière. Le boulot au niveau de la musique, je le ressens plus maintenant, tu vois. Par rapport à Team BS, j'ai pu découvrir une sorte de promo que j'avais jamais vue. C'est vraiment du taf, tu vois, se lever à 7h du matin pour aller faire des trucs qu'on n'aime pas forcément, parce que des fois, aller parler aux médias, c'est pas forcément un truc que j'aime faire, tu vois. Je préfère la scène, je préfère le studio. Donc se lever pour aller faire tout ça, c'est un travail un peu pour moi.

c'est la famille, je vais le laisser s'exprimer un peu. Ça va bien, Romain? Ouais, ça va, et toi, frère? En pleine forme, toi aussi, ouais, t'as tes souvenirs de Bahut avec, avec Sultan? Ouais, bah, ouais, il a tout bien résumé, hein, donc, c'est vrai que... Bon, donc au début, ça se regarde un peu de travers. Romain, ouais, c'est un gamin. Non, mais après, on a appris à se connaître, et franchement, voilà, regarde, aujourd'hui, on est encore ensemble. Ouais, c'est ça qui est beau en fait, c'est quand tu vois les gens qui t'entourent, bah mine de rien, même si t'avances. Ouais, c'est les gens qui sont là depuis le début, tous les gens qui sont autour là, c'est des gens, ils m'ont vu évoluer, ils ont suivi l'évolution, et voilà, tu vois. Malgré tout, je suis toujours à Bagneux, toujours au quartier, quoi. Kroma, qu'est-ce qui se passe pour toi? Bah, pour moi, j'enregistre des morceaux, j'essaye d'évoluer dans mon petit coin, et voilà, je prépare un projet qui pour le moment n'a pas de date précise, mais toujours en cours de préparation. Bon, très bien. Puis je dis ça pour Kroma et pour les autres. Il y aura du live aussi, gros live, hein, de prévu, ouais, ce soir. On va envoyer beaucoup d'inédits, des morceaux inédits, que, voilà, et voilà, du freestyle, quoi. On mettra le morceau de DJ Scorb dans un instant. Touche à rien. On continue les présentations. Ouais. Bah là, c'est le frérot POP. Ouais. Ouais. POP, c'est, voilà, il fait partie d'un. Il fait partie d'un collectif qui s'appelle Bully Da Click. Donc voilà, c'est un rappeur de ma ville. On vient pas du même quartier, mais on vient du même secteur, on va dire. Ça a coûté. Bagneux Sud, quoi, tu vois. Ouais, c'est pareil. Donc voilà, et je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Hein, parce que je sais pas s'il rappait avant, tu vois, mais il devait se verser en scred, tu vois. En sous-marin. Et voilà, et après j'ai écouté, j'ai tout de suite adhéré. Le frérot qu'il gère, c'est pareil, c'est un frérot, il s'appelle Franck. Il était dans mon lycée aussi. Donc voilà, c'est des gens, ils sont là depuis longtemps. Et il m'a fait écouter ce qu'il faisait, je donnais des conseils un peu de loin. Et à un moment, voilà, je me suis senti chaud pour faire un morceau avec lui, et ça a donné le son chez WAM. Et voilà, chez WAM, c'est un gros morceau. Allez cliquer, il est dispo, on peut. Ah ouais, le clip, il est grave cliqué, ouais. C'est un truc, voilà, qui a pas mal tourné. C'était aussi un petit peu une petite réponse à certaines choses, mais bon, on va pas trop en parler, on fait pas de la pub aux salopes ici. Et voilà, quoi, tranquillement, nyups. Et bah, bienvenue. Enchanté. Et bah, bienvenue dans le Planète Rap de Sultan et de la team BS. Ce soir, c'est Sultan à l'honneur. On continue. Bon, Scorp, on le connaît, il est là. Et... Ah, pareil, Scorp aussi. Il a son projet qui arrive en octobre, si j'ai bien retenu hier ce que tu disais. Ouais, c'est en octobre. Ouais. En octobre. Ouais. Non, et avec un extrait qu'on va balancer d'ailleurs tout de suite, là, un morceau que. Le premier son avec Sultan, La Foune et Canardo. Et ce fameux clip là qui fait débat, qui fait fureur, qui fait réagir. Ouais, les gens. Sultan qui a volé toutes les scènes. Ouais. Moi je disais non, gros. J'ai eu des gros problèmes à cause de cette scène, tu te rends pas compte, Fred. Mais à ce les gens m'ont vu une meuf sur moi, Starfunda, le Ramadan il arrive, qu'est-ce qui t'arrive? Tu fais le frère Muse, là, là, après t'envoies ça. Non, t'as vu, c'était. Avant de faire cette scène, je vais revenir dessus. Franchement, avant de faire cette scène, j'ai vu Scorp. Je lui ai dit, Scorp. Voilà, toujours mon nom qui revient. Je vais faire une scène là, juste pour faire parler les gens, et tu vas voir que ça va fonctionner. Et ça a fonctionné. Et ça a fonctionné. Je vois des captures d'écran avec ce moment précis. Et les gens, ils font tourner ça, tu vois. Donc voilà. Et voilà, c'était juste un clip. Arrêtez. Ouais, en même temps, de temps en temps, quand tu fais aussi de la musique, quand tu fais ça, il faut savoir choquer. Voilà, il faut savoir. Ouais, c'était pour faire parler. Tu vois, même si c'est pas un truc que je ferais dans la vie de tous les jours. Tu vas jamais me voir au bord d'une piscine avec une meuf sur moi. Ouais, c'est vrai. Non, je suis pas comme ça. C'est très bien. C'est très bien. Je suis pas du tout comme ça. Voilà, Inch'Allah, bientôt Mahlel. Tout va bien. Inch'Allah. Fais le ramadan bien déjà. On s'en court en ce moment. Ouais. Bon, et continuons aussi donc le tour de table. Voilà, bah tout à droite c'est Ixo. Ixo, rappeur de Sevran, je le présente plus, hein. Les gens ils connaissent plus ou moins, tu vois. Ouais. Ça va semblant. En forme. Choix. Ouais, c'est bah écoute, bienvenue dans ce Planète Rap. Tu veux aussi annoncer, il y a des choses qui se passent pour toi prochainement? Oui, j'ai participé à la compile de Scorp. Scorp. Ouais. Un morceau. Ouais. Très très gros solo. Cagoulé ganté. Cagoulé ganté. Là, t'as combien? T'as 10 titres, c'est ça, pour l'instant? Pour le moment, j'ai 10 titres mixés, masterisés. Je vais en refaire 3-4 là, cet été. Voilà, donc ça va sortir à la rentrée. Ixo m'a fait un gros titre. Je le kiffe. Tout le monde le kiffe. Et bon, on les couvrira quand? Ah, je vais pas dire, hein, j'ai un label, tout ça. J'ai pas mal de bons titres, mais c'est un morceau que j'ai envie de mettre en avant, sincèrement. Bon, Pop et Chroma aussi sont sur Red Devil, c'est normal, c'est la famille.

J'entends 22, carrosserie noire mat. Le concessionnaire m'a dit touche à rien. Cinéma, télé, tournée, concert sold out. Les grands du quartier m'ont dit touche à rien. Quelques chèques et plus de zéro pour mon comptable. Voilà mon banquier m'a dit touche à rien. Prod de baiser, celle-là c'est pour tous mes télés. J'ai dit DJ Scorp, ouais, touche à rien. Touche à rien, touche à rien. Touche à rien, touche à touche à rien. Touche à rien, touche à rien. Touche à rien, touche à touche à rien. Touche à rien, touche à rien. Touche à rien, touche à touche à rien. Touche à rien, touche à rien. Brolic devant leur gueule, ils vont toucher à head. Touche à rien à l'instant sur le projet de DJ Scorp qui sortira en octobre. Et le son est déjà dispo sur iTunes. Allez tous le télécharger légalement, voilà. Avec Sultan Lafouine, Canardo. Exactement. Sur le morceau. Grosse prod de DJ Scorp. Touche à rien. Touche à rien. Red Devil, c'est l'album. Et ce morceau aussi, il est né. On était en pleine construction de l'album Team BS et on était en concert à Lyon. Scorp, il a fait écouter la prod à Laoni. Laoni, il a fait le refrain et direct. On a enregoiré directement après le concert. Et voilà, directement. Voilà. On l'a enregistré le même jour que ma musique, que le son ma musique dans l'album Team BS. C'est le même jour que. Ils ont fait les deux opposés en fait. Voilà, ouais, c'est ça. Dans la même son. Bon, c'est ce qu'on écoutait à l'instant sur Skyrock. On va revenir dans quelques minutes. Il y aura du live, donc gros live de prévu. Ouais. Avec la team Sultan soir. Yeah. Entre 20 et 21 dans Planète Rap. On vous attend aussi au freestyle. Inscrivez-vous 41-759 vos messages pour faire tourner la roulette tout à l'heure. Bougez pas, on revient après ça. Jusqu'à 21h. C'est Planète Rap, l'émission rap de référence. En premier sur Skyrock. Ce soir, Planète Rap Team BS. Comme toi, Lafouine et Team BS ont choisi Planète Rap. Planète Rap. 20h-21h, tous les soirs sur Skyrock. Skyrock, Planète Rap, 20h-21h, avec Sultan ce soir et ses invités. Du monde dans le studio aussi. Bagneux, BG. La baie, Kuftar, ça bouge pas. Ils sont là, entre 20 et 21 ce soir dans l'émission. Il y aura un gros live de prévu d'ici quelques minutes. Ouais. On va mettre un morceau maintenant extrait du projet Team BS. C'est un morceau pareil important pour équilibrer justement cet album. Ouais. C'est un son que j'ai vraiment insisté pour le faire, quoi. Tu vois, au début, on était parti dans une direction. Je me suis dit, ça manquait de son rap dans ce projet-là. Donc j'ai insisté avec Fababy, on a insisté. Et voilà, ça a donné le morceau. C'est vrai que le groupe Team BS était monté aussi avec Cindy. Donc c'était. Ouais, on a essayé d'en donner à tout le monde, de faire plaisir à tout le monde sur ce projet. Et voilà. D'ailleurs, je tenais à dire, c'est un projet que je regrette pas du tout. Et comme j'ai pu le dire hier, si Laoni me propose le deuxième, je le ferai. Team BS, disque d'or, voilà. Bah, disque d'or, et puis voilà, c'est aussi important quand t'es artiste d'aller sur plein d'univers différents. Ouais, c'est une bonne expérience. Je sais qu'aujourd'hui, j'ai eu accès par rapport à ce projet, j'ai eu accès à des médias que peut-être j'aurais plus jamais de ma vie. Bah, quand je vois la fête de la musique sur France 2, tu vois. Voilà, exactement, c'est des trucs que. Faire un prime, comme on dit en télé, si tu veux, voilà, c'est quand même une belle exposition, c'est aussi une belle reconnaissance. Voilà, comme je peux dire souvent, tout ce que j'ai vécu dans le rap aujourd'hui, si demain ça s'arrête, bah, j'aurais aucun regret, tu vois. Je pense, j'aurais jamais pensé être là où j'en suis déjà à l'heure actuelle, donc voilà. Mais ce qui est assez marrant, c'est que, bon, alors c'est pas une justification que tu fais, mais c'est vrai que ici en France, on a tout le temps l'impression, quand on est sur certains projets, il faut tout le temps se justifier. Normalement, la musique, ça doit être ouvert, justement. Voilà, exactement, on est là pour faire du son, on est là pour faire kiffer des gens. Des fois, on fait plaisir aux frérots du quartier, des fois, on fait plaisir à la France, et voilà. Mmh. Et ben là c'est plus pour faire plaisir peut-être aux frérots du quartier, ce morceau. Ouais. Ce morceau voilà, c'est un vrai exercice de style, c'est comme vous savez le faire, ça kick aussi. Ouais. Le morceau Je rappe, c'est extrait de la de Skalpovic. Ayo Scalp. Je voulais dire, ta prod c'est du rap. C'est du vrai putain de rap. Je rappe les mitards de Nanterre, les frères qu'on enterre, les coups de feu, la BR, prolique sur la tempe, on peut, je rappe les mains en l'air, je rappe mon passé, mon vécu, les frères sous écrou, toutes ces familles au fond du trou, en deux et demi, je rappe en putain de roue. Je rappe les descentes, les grosses perquisées, les frères sans mi-père, au terre-terre, la neige dans le nez des frères, je rappe pour les sports d'hiver, je rappe mon succès, mes défaites, le zénith, la salle des fêtes, je rappe de cœur à cœur, je rappe les têtes à tête, jamais réconcilié, barre oscillé, canon scié, Hey, c'est Fouini baby, pas oublié. Je rappe les larmes de mon père, le sourire de mon banquier. À la mémoire de ma mère, je vais les faire tous banquer. 9-4 c'est le Barça, comme dit le poteau Kerry. 7-8 c'est la Syrie. Quand la rue écrit Fouini Babe Rap. Quand la rue écrit Baby Rap. Quand la rue écrit Full One Rap. On a vécu comme Arlo, on meurt comme Tupac. Quand la rue écrit Fouini Babe Rap. Quand la rue écrit Baby Rap. Quand la rue écrit Full One Rap. On a vécu comme Marlowe, on meurt comme Tupac. J'rappe mes pensées, ma furie, mon écurie des tueries. Les barreaux des pommettes, les lancers de yo-yo de Fleury. J'rappe le malheur de mes proches, aussi pour combler mes poches. J'rappe les délaissés de l'État qui sont tout pleins de reproches. Mes frères qui tiennent le pavé, ceux qui n'ont jamais pavé. J'rappe pour ceux en bas de la pente, qui ont plein d'épreuves à braver. J'rappagne ses habitants, même ceux toujours résidents. Ce qui compte, c'est la fin du match, pas le score à la mi-temps. J'rappe pour tous ceux qui prennent la peine de m'écouter. Pour vous, je me prends la tête, j'essaye de faire que leur couplet. Sera pour marquer les esprits, tout ce que je vis, je le décris. Je ne peux que voir les choses en grand, y'a plus petit peu comme ici. Sera pour les bons vivants, j'rappe les fourgons cellulaires. Sera pour les gens conscients et ceux qui n'ont pas le formulaire. Même si c'est maintenant que je croque, je peux pas changer de cap. Je peux foutre ma voix dans la pop, tes MC savent que je rappe. Quand la rue écrit Fouini Babe Rap. Quand la rue écrit Baby Rap. Quand la rue écrit Full One Rap. On a vécu comme Arlo, on meurt comme Tupac. Quand la rue écrit Fouini Babe Rap. Quand la rue écrit Baby Rap. Quand la rue écrit Full One Rap. On a vécu comme Marlowe, on meurt comme Tupac. J'rappe pour ce mitard, le cœur bloqué au quartier. Entre les keufs et moi, le courant passe pas, ils m'ont juste tasé. J'rappe pour ceux qui vendent de la blanche, de la B ou du SEM. S'il y a plus de balles dans le chargeur, on crosse avec le gun. Une colère infantile, j'rappe, j'ai pas un centime. J'suis ce rappeur qui a la dalle, donc les dollars me cantinent. Descendant d'esclaves, j'sais que l'État nous mène en bateau. Me parle pas du daron, je vais pleurer comme Sako. Punchliner éclipse, frappe la lune et le soleil. Un pote qui se barre quand ça tire, c'est une amitié qui s'enraye. Je frappe depuis le début, je sais que pour eux c'est fini. Moi c'est Bondi Green, il finit, c'est bien fouigné. Je rappe, je suis sur écoute, dans mon flow y'a de la réverb. Quand ma vie aura plus d'essence, je me demande ce que la mort me réserve. Quand la rue écrit Fouini Babe Rap. Quand la rue écrit Baby Rap. Quand la rue écrit Full One Rap. On a vécu comme Arlo, on meurt comme Tupac. Quand la rue écrit Fouini Babe Rap. Quand la rue écrit Baby Rap. Quand la rue écrit Full One Rap. On a vécu comme Arlo, on meurt comme Tupac. On a vécu comme Arlo, on meurt comme Tupac. Je rappe à l'instant, c'est extrait de la Team BS. Koulouto! Avec Sultan, Fababi et La Fouine. Fababi, on retrouvera jeudi soir. Demain, c'est Cindy à l'honneur. Ouais. Entre 20 et 21. Et puis La Fouine avec l'équipe du film, puisqu'il sera au ciné le 9 juillet. Ce sera vendredi à suivre dans Planète Rap. Sultan, avant de passer au live, dans quelques minutes. Ouais. Avec la grosse équipe qui est là. Ils sont chauds, ils sont chauds. Les frérots, ils sont chauds. Ils étaient plus chauds tout à l'heure, là. Ils sont calmes, un peu. Ah, je me disais. Non, on est des faux calmes. Ouais, je me disais, ça peut vite repartir en fait. Ouais, ça dépend. Bon, ce sera dans un instant. Là, juste avant, on passe au freestyle par téléphone avec Roms. Allô, Roms. Yes. Allô. Ça va bien, Roms? Ça va bien, et toi, Fred? Et alors que l'Argentine est en train de se qualifier 1-0, ils viennent de marquer. Di Maria a marqué sur une superbe action de Messi. Donc, Argentine 1 et la Suisse 0. Je sais pas si tu suis le match pour. Non, là, je suis pas le match. Là. Et bah voilà. Donc, l'Argentine qui est en train de marquer, il doit rester quoi? Deux minutes, une trente. Donc, on va suivre ça pendant ton freestyle. T'es prêt à rapper, Roms? Je suis prêt. Et bon, t'écoutes session freestyle par téléphone et on retrouve Sultan juste après. Yeah. Un. Deux bonnes rayonnées, nous les à la bien. La Réunion, 974, t'inquiète. Yeah. Ok, parfait, check. Ma pensée à moi reste perdue. Elle avance malgré les baffes, malgré que la vie s'assure, malgré les longues journées de taf. Et puis son tempérament tire sur le bout d'une fille. Elle retient ses larmes trop souvent pendant que l'État mettait que n'elle. Elle se bat encore pour obtenir un emploi. Voilà la routine, la sommeil, mais elle ne baisse pas les bras. Elle est entourée de ses potes et qu'est-ce qu'elle kiffe ses frères. Elle est faite de bitume, de thunes, de nature et de galère. Elle nous casse les couilles avec la manif pour tous. Surveillez déjà vos codes et puis allez vous faire foutre. Faudrait que nos sauts sont longs, d'arrêt de se voiler leur face. Pendant que Manuel invite les robes pour aller danser une valse. Elle relativise et se remonte toute seule le moral. Dans le fond, c'est l'amour qu'elle vive, c'est tout juste viscéral. Elle évolue pour le meilleur et pour le pire et part parfois dans des dos, dans des gros délires. Pour les gars, la réunion, on le fait à la bien. Petite tête, écoute à moins, on le fait à la bien. 974, on le fait à la bien. Tu connais à la bien, on est là à la bien. Yeah. Ok. Artiste, poète. 974 à l'honneur avec Roms à l'instant en freestyle. Bah, terrible, mon pote, hein. Aïe. Merci à toi, petite dédicace, petit message à passer. Alain, grosse dédicace à tous ceux qui m'écoutent sur Sky, grosse dédicace à tous ceux qui me suivent depuis le début. Et puis voilà, grosse dédicace à La Réunion, Chicken Prod, toujours présent, toujours derrière moi. Et voilà, grosse dédicace à toi, Fred aussi, hein. Eh bah, merci. Sky, Planet Rap, et bah, ça continue. Merci à toi, en tout cas, Roms. Tranquille, voilà. Allez, big up. Ciao, passe une bonne soirée. Reste avec nous sur Skyrock. Le freestyle par téléphone pour vous inscrire aussi demain, n'hésitez pas, 41 759. Sultan. Oui. Est-ce que l'équipe de Bagnoé est là aussi? Est-ce que... ouais. Le 9-3 aussi, ouais. Le 9-3. C'est vrai, ils sont là. Vanier Souverain et DJ Scorp. Châtillon vent, c'est parti. Le Scorpion. Oh oh. Bon souvenir. Yeah yeah yeah. Que de la peufra. Sultan X. Que de la peufra. Qui est. Que de la peufra. Que de la peufra. Que de la peufra. Mon Zoulou, toi. Que de la peufra. 9-2, 9-3, pas mieux, ce vent. Que de la peufra. Pécho, c'est nous, toi. Que de la peufra. L'équipe, c'est ça, Jordan, DM, Telo. Que de la beufra. Sultan et XO, ce n'est que de la beufra. Toi, tu regardes dans le rétro, on est déjà à bord nos vaisseaux. On bat les couilles de la 4G, nous on contrôle déjà le réseau. Les colons sont dépassés, intentables comme Samuel Eto'o. Les colons sont dépassés, yeah, yeah, yeah. Ce genre de son pour vieux volontaire. Par tous les trous, je te vous la santé. Comme tes amis, tes sources sont comptées. C'est ma tournée, c'est ma volonté. J'ai perdu mon temps, je vais faire des sous, je vais faire des montants. Dans 9 tout, vous trouverez mon clan. Ton seul talent, c'est su, c'est mon clan. Simple peur, tu nous fais dépenser. Je vais être ta mère si mes yeux sont pentés. Derrière, devant, de partout, je vais rentrer. Vous allez vous camper, prenez vos bras, perdez vos os. Une fois que c'est crassé, se fait autant. Tu vas comprendre que le rap, c'est rien à malheur. Après mon tour, je m'en vais pour faire l'odeur. Merde, merde, je suis là. Je suis psh, psh, cartassier là. Un coup de crac, on va te faire là. Arrête, qu'est-ce que tu fais là? Fais là, viens. Paniquez pas, c'est que tu peuras. Bagne ce franc, que de la peu franc. Dans le rétro, on est déjà à bord nos vaisseaux. Sans pas les coups de la 4G, on contrôle déjà le réseau. On passe pas le détecteur métaux. Les colons sont dépassés, incomptables comme Samuel Eto'o. Tu veux plus m'entendre, faudra m'assassiner. Non, j'ai plus leur temps, je cours après les billets. C'est sur le rentesse, il me fait péter. Les petits frères prendront le relais. Parle pas le gilet pour mes adhérer. Parle pas le gilet pour mes adhérer. C'est un peu bras dans lequel ça nous la grosse à baguette monnaie. La chanson, c'est le style qui les dérange. Inspiré parti comme ça de l'eau. C'est laissé la concurrence. Je vais croquer dans la pomme comme de tordre. Je vais croquer dans la pomme comme de tordre. Je vais grossir ce qu'a vesti dans la zigbu. Déclisse toute la crapée dans la zigbu. Couche dans ma muse, et c'est la bleue. Un bon âme, la vie de ta bouche. Tu pèles l'authentique, oui, oui, c'est d'actu. Oui, oui, tu dis tu. Igno, salé, Sultan, salé, on va les fumer. Pagne français du mal à nous coffrer comme un litron de bain. Litron de bain. Pagne français du mal à nous coffrer comme un litron de bain. Litron de bain. Dans le rétro, on est déjà à bord le réseau. Sans pas les couilles à tâcher, on rentre déjà le réseau. La porte s'est fantasquée, on passe pas le détecteur dans le réseau. Les colons sont dépassés, incomptables comme Samuel Eto'o. Yeah, ouais, ouais, ouais. Mon vieux, tu me reconnais. Tu t'en veux faire la vie. J'ai toujours là le drap comme un mec de chez moi. Choisis au lieu passer les mecs de chez moi. Quel fils de pute a dit que j'rasais les murs chez moi. Qui fait la paix faut prendre, même se tousser chez moi. J'ai toujours là le drap comme un mec de chez moi. Choisis au lieu passer les mecs de chez moi. Quel fils de pute a dit que j'rasais les murs chez moi. Qui fait la paix faut prendre, même se tousser chez moi. Cramé sur tous les gueules, mec ça fonce à 9-2, BGX, fois des bienvenue dans le four. Pas de 6 heures de deux, on n'y que 11 par 9 de Zadillon, les villes des alentours. Viens voir ici pour raconter ta vie. On va te faire du sale, ouais, on va te faire du sale. On va te faire du sale, ouais, on va te faire du sale. On va te faire du sale, ouais, on va te faire du sale. Obscène, Bulida, 9-2. J'ai la frappe qui en veut. Y'a les keufs qui vendent d'eux. J'vais les fumer avec mon joint de balle. Maman et papa la grand-mère dans le salon. J'bois un peu pour être bourré d'talent. J'ai trop marché sur le bitume, j'ai roulé sur l'or. Prends ton corps pendant que t'es dehors. J'veux du liquide donc j'me jette à l'eau. Touche jamais les gros, la compétition. T'as un beau parabab est assuré. Que du MMA t'es assuré. On parle pas, nous on cogne. Ceux qui nous cherchent vont nous connaître. Salam à mes frères des cuftards. On se lève quand on est des couches tard. Je connais pas, mais qui êtes-vous? Testez pas des hommes qui est fou. Tu fais le fou, on va séquestrer. Non, ma papa ne va pas tester. Je lâche pas l'eau pour ta ratio des pics. Où sont mes ennemis? Tout ce que les chics. Non, ma papa ne va pas tester. Hombre, on est nombreux. Va niquer ta mère, ton père, ta soeur, tes frères, ta race, ton chien, ton fils, ta tante, ton oncle, tes siennes, tes fans, tes morts, tes vivants, ta thèse, tes sauces. Petit patin si tu m'aimes pas. Ouais, ta soeur, c'est la demain, on va t'y mettre dedans. On va donner du spectacle comme un intermittent. Bienvenue chez les meilleurs, à Soul, c'est évident. À part que son sont rasés, j'ai rien de flippant. Y'a pas que ma pose est roulée. Si tu sais que ça te roulait, chatte ainsi que le pécumé qui ont tenté d'ébrouler. Les gars, les bonnes gars, nous faire la némo. Le compte c'est que les balances, elles ne peuvent pas le mot. Allez, ouvrez vos bouches, j'y mets mon muspère. J'suis plus sur le terre-terre, je suis sur d'autres sphères. Par le profil de l'emploi, on a plein d'autres critères. J'conduis au nom de Cromat, puis j'ai plus le mi-père. Tu vas loger la civière. Vengeance dans le frigidaire. Comme d'habitude, j'arrache tout. Prends des armes à ton cou, sous le toit de Krieger. J'suis sur les lieux, j'vous passe le salam. Châtillon 9-2, banlieue de Paname. Qu'on m'acromatise, les ayam. J'reviens tout niquer, sur du William. Tout le monde se couche, j'ai un calibre dans la bouche. Rafale sans hésiter, illimité en cartouche. Que du solide, monte à mon frère farouche. On a le regard rouge, donc vas-y, bouge. La France c'est dur, mais c'est pas la Corée du Nord. Sinon c'est sur nos rangs, passerait rester encore. Je te passe ce saut, le peur à serait mort. Dis machin là, je suis là et je vous mets tous d'accord. Tu crois mentir à qui ta vie n'est qu'une parodie. T'as fait un crédit pour acheter des anodies. Je crois que Bill est dit, j'ai de la banche, je te le dis. Les MC rappent encore comme à l'époque du PDB. On restera les mêmes, on jouait de rôle. Ne viens pas nous tester, ça va les épaules. Les vrais reconnaissent qui a le contrôle. Le ghetto en format audio est dans la zone. J'ai toujours là le tas comme un mec de chez moi. Châtillon lieu pas, c'est les mecs de chez moi. Quel fils de pute a dit, j'rasé les murs chez moi. Cuve à la paix pour prendre le tout c'est chez moi. J'ai toujours là le tas comme un mec de chez moi. Châtillon lieu pas, c'est les mecs de chez moi. Quel fils de pute a dit, j'rasé les murs chez moi. Cuve à la paix pour prendre le tout c'est chez moi. Cramez en tous les cœurs, mais ça prend cher. 9-2-PGX, ouais, t'es bienvenue dans le four. Pas de 6 heures de deux, on nique tout 11 par 9-2. Châtillon, les villes des Allemands. Viens voir ici pour raconter ta vie. On va te faire du sale, ouais, on va te faire du sale. On va te faire du sale, ouais, on va te faire du sale. On va te faire du sale, ouais, on va te faire du sale, les gueux. Salut mon vieux, tu me reconnais? Mister, c'est R.O.R. La pure comme la coca. Le quoi tu le style. Oh nana. Envoie Sam, c'est ma chromatie. Pull up. Envoie une passe B pour le MZ. Ouais, nous c'est Chroma en direct, Skyrock. Bon Soulou, toi! Quand t'as l'air aimé, bande d'enfoiré. Bon Diagal Music, frère. On m'a chromatise. Yeah, mon vieux, yeah. Tu me reconnais? I'm back, motherfucker, la pure comme la coca. Je représente tous nos gars, je les défends comme un avocat. Je rappe la vie des thèses, mais c'est pas la vie d'Aloca. On évacue le stress sans pratiquer de yoga. Je suis dans la gova, tu peux accélérer comme Jay Ova. Mon but c'est de tout gérer. Pas dans la demi-mesure, même sans la signature. Je baisse toutes ces pourritures, revois là mon écriture. Encore une nouvelle séquence, va y avoir des conséquences. Je retourne le game dans tous les sens et réjouis la jeune délinquance. Prends l'écran avec du cran, activez le plein écran. Laisse la place pour qui tu te prends, y'a plus de petits, y'a plus de grands. MC adolescent sur terre, ton compte bancaire a découvert. Tu mens à qui, on sait ce que t'as. Parle pas de billets verts, t'as cru signer le bon jean. Tu t'es pris pour Mick Mill, tu gagneras pas un centime. Retourne ta fée en intérim, je lâche rien comme la Palestine. Je sais qu'on me sous-estime, je viens m'imposer sans demander. Tous démodés comme leur style. Chroma est dans la maison, je reviens chaud pour la saison. La voix, le flow en précision pour une grosse combinaison. 2-0-1-4, ressens-tu la patate. Tout est rin 4-4, en défense comme en attaque. Me les faire, c'est facile. Bande de négros fragiles. Cette année, faut choquer la France et se barrer au Brésil. Booster, c'est R.O.M. Le tout en format audio. Soul Toine. Tu pètes. Tu d'un clic. Le bon, c'est ça. Est-ce qu'ils sont chauds? Ouais, on dirait que mes gars sont pas chauds. On va les chauffer. Bagnon français, pas mieux. Pas gaffe, non, faut pas plaisanter. C'est chaud, ce grand. C'est chaud, non, t'es chaud. Non, faut pas plaisanter. Bagnon, c'est chaud. Châtillon, c'est chaud. Ce vrai, c'est chaud. Non, faut pas plaisanter. Pas gagner. Même quand y'a une perte sur le raté, on y reste. On y reste. Percé, je suis sur le droit chemin, mais on est à dit vrai. Jack Daniel, pas ni problème. Parle doucement, ça t'évitera les problèmes. Problème. Salade, gros grec. À la salle, gros pec. CPO enchaîne Bédo sur Bédo. Avec tout méro. Avec tout méro. Oui, on finit la bouteille, même s'il faut se lever tôt. Faut se lever tôt. Tu changes d'identité quand t'es dans un autre ghetto. Un autre ghetto. On va t'identifier, tu finiras dans le vito. Promesse dite, promesse tenue. Ta langue va falloir la tenir. Bébé, les cas ton avenir. Crois-moi qu'on va venir. Promesse dite, promesse tenue. Ta langue va falloir la tenir. Bébé, les cas ton avenir. Crois-moi qu'on va venir. On voit des scarmans dans leur clip, dans leur tessie. C'est des fantômes. Jack D dans Brignon, dans le saut de Malabens, on est aux fantômes. L'argent c'est de l'eau, on a couché toutes les tailles. Ce soir y'a pas de garage. J'ai pas de garage. J'assiste moi dans l'auto. Tu mérites pas le palace. Sur Instagram, putain y'a trop de gommis. Y'a trop de gommis. SUL, quand je me fais péter, je dis que c'est gommis. C'est gommis. Claire sur eux, voilà il s'est promis. C'est promis. BGI 225, c'est parti. C'est 9 points, c'est chaud. N'en vaut pas déconner. 9-2, c'est chaud. Sevran, c'est chaud. Châtillon, c'est chaud. N'en faut pas plaisanter. Eh, hey, dédicace à mon frère Goyon, Vagab. Tous les gars de la ville, c'est pas un peu. Tous les mecs de la ville, Ibra, Dieu. Salut, salut mon vieux, tu me reconnais. Goyon Poutonier, Nanterre. Fleury le frère, tenez bon, on arrive. Les X, Capsule, tu m'entends. Chut. Grosse rota, j'arrête opéra. Grosse rota, j'arrête opéra. Grosse rota, j'arrête opéra. Grosse rota, j'arrête opéra. Grosse rota, j'arrête opéra. Grosse rota, j'arrête opéra. Grosse rota, j'arrête opéra. Une grosse rota, j'arrête opéra. Nice pour la mif quand on fait King Bad. X ne joue pas, faut que ce game te dé. X c'est un pur dans la one. X dans le rap vient foutre sa calme. X dans le sale, dans le sang, ça l'éveil. X dans la ville, dans la street, c'est vrai. X dans la ville, c'est le bras, tu le sais. X de gros fonds, c'est aux autres français. CM6 se contrefait. X le douanier, je vais le contrôler. X validé par les grands de ta tête. X la route perce comme une balle dans la tête. X, X, da, da, da. Salle de bravo, on a tué. L'hiver à Bangkok, l'été à Saint-Trope. Putain de train de fille, comment les piquer au prod. Tout un nœud en lock, crié par les cops. Toujours bloqué, y'a un contrat sur ta tête. La sac en caquette, barré de bataga. Mais où qu'ils aiment ça. T'es une goutte de bois qui chante et l'homme chaga. Mais où qu'ils aiment ça. Les gamins sont avec ramé, t'as les zones macadam. Tu l'as fumé douillé pour sortir ta madame. Ils sont venus cagouler dans ton appartement. Balle dans la tête, comportement. Balle dans la tête, comportement. Charbonneur, puis graveur, en plein temps. Grosse rocka, j'arrête maintenant. Une grosse rocka, j'arrête maintenant. Libérez les X, libérez les X, libérez, libérez les X, libérez, libérez les X, libérez, libérez les X, allez libérez, libérez les X, libérez, libérez les X, libérez, libérez les X, occupé, y'a stock, tous les gens fermés, libérez le X, libérez, on se loue toi. Yeah. Tout bagneux, n'y n'y n'y n'y pas, n'y n'y n'y pas, n'y n'y n'y n'y pas. On les n'aime pas. Quand dans ces wams, c'est toujours là le tas. Je vais tout filmer comme un Youpar me da. Si tu veux ces périphes, faut suivre mes pas. N'en s'en mets pas, tu t'en remets pas. Bien entendu. à mes plats. Casquette PC car le four est mes crocs. T'ouvras la bouche seulement quand c'est écrasé. Les textes sont à bout. Mande un gros cri, demande à mort à bout. Un qui veut mettre des bâtons dans mes roues. Aura un arme, tu trouves pas jusqu'au cou. Ouais, ma jolie, j'suis déjà son lit. J'suis déjà trop loin comme un mandat joli. Tu t'es dit que c'était dans leur ligne de l'album. Si BS m'avait ramolli. Négo, c'est trop de détours. Ils ont carrément pété. Arrêtez vos rendez-vous. Nous on fait des PDT. Je vais rentrer dans mes frais, dans les sardes, dans les sades, cassez-vous pété. Je vais niquer les étapes, je m'en tape, je te mens, vous allez aider. Je mets les queues clair. Nye, nye, nye, nye, nye, pas. Le plus que l'on est là. Niquez vos rêves, non je veux pas vous dévoiler mon seul. C'est pour les frères des cuves, faire des deux terres de la paix, des fervents du péage de la paix. Avec le son des MC vomiteurs, avec du comme j'ai pété disque d'or. Y'a ceux qui tombent, y'a ceux qui disent ça. Y'a ceux qui mangent et y'a ceux qui picorent. Je lis d'un flic, j'ai que les refrains. Nous les PC, j'ai besoin d'un effet. J'suis reconnu, il faut des vitantés. Stack à la gorge, j'ai envie de sûrement hâter. Ma voix elle est indélébile. Ma foi elle est entre deux fils. Mon flow il est dans tous les styles. Ma bite elle est, j'assure le grill. Elle s'étonne, elle s'étonne. Nos frères qui nous quittent en bécane. Et pour tous ceux qu'on la conscience en panne. Si t'es ancien c'est du flow, je te dépanne. Ça dépanne. Nye, nye, nye, nye, pas. Chill. Nye, nye, nye, nye, nye, pas. Chill. Nye, nye, nye, nye, pas. Goyo, à l'instant, là. En live, grosse ambiance. Qui fait terre la baie, Sevran est là. Bravo à vous tous. L'album, l'album condamné à régner, il est en construction. Ils vont tous mourir. Voilà, ils vont tous mourir. Ouais, attends, on va faire un dernier tour de table. Allons-y pour le. Kari. Ceux qui connaissent pas encore, là, qui font semblant. Xo, rappeur de Sevran, rappeur de la team, avec Bakoro MS, l'équipe enfin, est là, Mousko est là. Frère, juste avant de partir, c'est petit dédicace à tous les enfermés. C'est pour Capsule, Brahms, Savilpinte, Yastok, Zito, Amo, Tuntu, Baba, Nanterre, enfin. Mamoutou et Lassou. Libérez les X. Libérez les X. Merci à vous, petite dédicace aussi. Bah de moi, tous les frérots qui sont là, qui sont venus aujourd'hui, Cuve Tarte Terre, la paix, fort. Tous les frérots, tout Vagneux, Châtillon, Vanve, Nadir Alayrahmou, frère, et voilà, toute la famille. Fort, merci, fort. Merci aussi à vous. Vous, on est ensemble, on est ensemble. Moi, j'aimerais dédicacer d'abord Xo, fort. DJ Sko aussi, Sultan. Maintenant, je vais venir à Mega. Billy Da Click, Bagneux, Gibson, Bondy, Max, Sestor, Rosé, Frankie Bulida. Il y en a plein, un Belek. Ouais, Joujou. Joujou, Nino, tout, Goyo, Rabat, merci à vous pour cette soirée, Sultan. Donc, ouais. On attend aussi, pareil, toi, alors, cette année, t'es voilà, sur le là, je suis en train de faire mon deuxième album, Condamné à régner. Merci à tous ceux qui ont soutenu sur le premier des gens meilleurs. Et voilà, on va revenir lourd. Voilà. T'as une date, une idée Non, je pense que ça va être début 2015. Mais on va 2015. Bientôt envoyer le premier extrait. Voilà. Bon, on suivra ça. Et il y a le clip aussi que de la Peufra qui va arriver là. Il va être en préparation. Il y a le clip de Nyepa aussi qui arrive. Donc voilà, lourd. Et ben, merci à toi d'être passé. Merci à vous tous. Cabella, Cabella. Juste avant de se quitter, on fait tourner la roulette. C'est parti. Skyrock offre le DVD Pompéi et plus d'une GoPro par jour. La roulette qui tourne maintenant avec Anaïs de 3. Ça va bien, Anaïs? Salut, ça va et toi, frère? Eh ben, écoute, en pleine forme, avec un gros Planète Rap cette semaine, Team BS, toi tu viens faire tourner la roulette, on y va? Ouais, ok, c'est parti. Allez, dès que tu veux, tu dis stop, c'est parti. Ok, ça va. À toi aussi, t'es en équipe, ok. Anaïs, c'est qui derrière la grosse voix qui a fait stop? Il y a mon copain, mon beau-frère et ma petite sœur. Ah bah ouais, c'est en famille. Et bah en famille, bientôt vous pourrez vous filmer. Puisqu'il y a non seulement le DVD Pompéi et la GoPro qui arrive avec la petite caméra. C'est pour vous. C'est pour toute la famille du côté de Troyes. C'est pour vous tous. Ah bah on est trop contents. Ouais, merci beaucoup Fred. Et bah bisous. Bisous, passez une belle soirée Anaïs. Gros bisous, bonne soirée. Est-ce que je peux passer une petite dédicace? Vas-y, on t'écoute. Donc une dédicace à Arthur, à Jules, à Nono, à Manon qui m'a demandé de lui faire un gros bisou et puis à ma famille, à tous ceux qui m'ont reconnu. Bisous. Gros bisous. Ciao Naïs. Ciao ciao. Salut. Planète Rap avec Sultan. Juste les derniers mots et rappelez que demain ce sera Cindy, c'est mon anniversaire. Ouais, demain. Cindy. Ouais, exactement. On fêtera ça en direct entre 20 et 21. Voilà. Dans cette semaine spéciale Team N'oubliez BS. N'oubliez pas le 6 juillet au parc Saint-Paul. Voilà, et dans le 60. Le dimanche, concert Team BS. Team BS. Voilà. Et ben merci à vous tous. Merci à toi. Merci à toi Sultan. Demain, loupez pas Cindy pour la Team BS, jeudi Fababi et la Fouine qui redébarque vendredi entre 20h et 21h. Là, on va retrouver Difool. C'est parti. Fababi, t'as du taf, frère. On est là. C'est parti pour la Radio Libre. Et oui, Fredo. C'est parti pour la Radio Libre. En direct, on est là, 20h52. Et oui, vous êtes là. Et les Argentins se sont qualifiés. Argentina. Dernière minute. C'était chaud. Hein. Dernière minute face aux Suisses. Qui sont déprimés, les pauvres. Ah oui, c'est triste pour les Suisses. On salue les Suisses qui nous écoutent. C'est triste. Hop, Suisse. Hop, Suisse. Et voilà l'Argentine. C'est parce que c'est Hop Suisse, Fred. Hop à la maison, surtout là. Tu dois te dire, mais qu'est-ce qu'il dit, Difool ? Non, mais j'avais même pas. C'est Hop Suisse. C'est comme le Aller les Bleus chez nous. Ah ! Voilà. C'est leur cri un peu. Ouais, t'as 1, 2, 3, vive à l'Algérie. T'as Aller les Bleus. Et t'as le cri de guerrier des Suisses. Hop Suisse à la maison. Hop, hop, hop. Hop Suisse. Bon, ils ont fait du balai. Hop, hop, hop, on s'en va. Ils ont fait un beau match. Je rappelle qu'on avait gagné large contre les Suisses. Les Argentins ont eu du mal. Ils ont fait un super match. Hop, hop, faut partir. Bravo les Suisses. Hop, hop, hop à la maison. Allez, bon, nous on est là en direct sur Skyrock jusqu'à minuit. Vous pouvez nous appeler dès maintenant. Allez-y, 0153 40 30. Il y a Nico Evans qui arrive ce soir. Vous dites, mais qui sont Nico Evans, Fredo? Nico Evans, ils viennent de Vince. Nico ils viennent d'Oslo. Donc vous allez pouvoir les tacler aussi, parce que le dernier donc match qu'on a fait. Marie, ils sont donc norvégiens. Voilà. Bien joué. Yeah. Et on va pouvoir les tacler, parce que c'était notre dernier match amical où on a mis une raclée à la Norvège. Ah, ça, je sais pas, peut-être. Match de foot. Ouais, Samy. Bah si, ouais, bah, en si. Préparatif de la Coupe du Monde, on avait gagné déjà. Bah oui, c'était plus, gros match. Ah bah moi je suis pas un pro, moi je suis un pro de la drague. 4 ou 5-0, il y a 4. Je suis un pro de la drague. Et je suis le prince du hip-hop. Oui, le prince qui a sa spécialité. Alors vous allez découvrir Nico Evans avec nous. Ils ont fait un morceau qu'on passe sur Skyrock. Et bien, un beau morceau d'ailleurs qui s'appelle I Am Wrong. Ça se prononce pas comme ça. C'est oui, je te laisse faire parce que comme tu es aussi très fort en anglais. I'm wrong. Non, Difool c'était mieux. Non, mais I'm. I am wrong. Oui, I am wrong. Est-ce que je suis dans l'erreur? Ah ouais. Ouais, je me trompe. Non, c'est am I wrong. Me trompe-je? Bon, si vous connaissez pas, vous allez découvrir ce soir. Là, Nico Evans, on va les découvrir avec vous entre 21h et minuit. Ils arrivent dans l'émission. Il y a le match de la Belgique à ce club, c'est ça? Ouais, contre les States, États-Unis. Les States. Les Belges contre les Américains. Vous avez vu d'ailleurs qu'ils ont été soutenus par Mike Tyson? Ah ouais, il a fait une vidéo, ouais, c'est dingue, là. Il est malade, lui, je pense. Il est totalement dingue. C'est même lui qui est devant la caméra avec son grosse tête, là. On va botter les fesses. Ouais. Bon, ben on suivra ça ce soir dès 22h. Enfin, une grosse soirée de prévu. On démarre dans un instant. Vous pouvez nous appeler tout de suite. Toute l'équipe est là. Sauf Cédric, tiens, dites donc. Bah oui, il est pas là. Je l'ai vu passer. Ah, tu l'as vu passer? Quelle horreur. Vas-y, dis un mot parce qu'il te cherche. Bonsoir, je suis là, non, mais t'inquiète, j'arrive. Mais on t'entend, grosse pute. On t'entend, mon meilleur ami. Il va arriver. Je crois qu'il arrive. Il est là, je crois. Oula, il est là. Bonsoir tout le monde. Ah putain, mais... Salut tout seul. Y a personne qui répond. Bon, ça va, on va pas te saluer 10 fois. Bon, bah, je rentre chez moi. Genre l'autre, c'est la resta. Il faut lui dire bonsoir. Il fait 3 entrées, quoi. La star de la Radio Libre, là, Cédric vient d'arriver. C'est bon, l'émission peut avoir lieu. Allez, c'est parti. On est sauvé là. Allez, on y va, en direct, c'est parti. À demain, Fredo. On se retrouve avec la Fouine et la Team BS. Demain soir, ciao. Tout l'été.